bébé de vie au fond du sac plastique, au fond du sac plastique. Tic tac, il est 11h, voyage incognito. À zéro, à zéro, à zéro le cerveau. Tactique de la démarche du vol. 11h30, les pieds dans l'eau, rien depuis tout à l'heure. Il pleut un peu plus, encore 16 minutes. Je suis un attenteur à tenter, je vais sauter. Sa machine à sous, sa machine à sous plaisir. De la boîte de nuit, j'ai joui dans notre boîte d'ennui. De la boîte de nuit, j'ai joui dans notre boîte d'ennui. Et 30 minutes après, je ne me reconnais plus. J'ai sauté tout noirci, j'ai sauté tout noirci. Je m'attends pas revendiquer dans votre toujours mal papier, matin imbécile. Je m'attends pas revendiquer dans votre toujours mal.